tout, partout est le tout. Il est le tout du tout. Tout le tout est en il. Nous tous sommes le tout. Je est le tout. Tous sont donc le tout. Tout nous rend chèvre. Tout, tout nous rend chèvre. Comme le tout le fait. Pourquoi es-je? Pourquoi es-tu? Vous est le problème.